Chapitre 23, où l'on verra qu'un bedeau peut avoir des sentiments. Curieuse conversation de M. Bumble et d'une dame. La nuit était glaciale, une épaisse couche de neige durcie couvrait la terre. Le vent, qui soufflait avec violence, en faisait tourbillonner les monceaux accumulés au coin des rues ou le long des maisons. C'était une de ces soirées sombres et froides où les gens bien logés et bien nourris se pressent autour d'un bon feu et s'applaudissent de n'être pas dehors, où les malheureux sans abri et sans pain s'endorment pour ne plus s'éveiller, où plus d'un paria de nos cités, consumé par la faim, ferme l'œil sur le pavé de nos rues pour ne plus le rouvrir que dans un monde qu'il ne peut pas trouver pire, quels qu'aient été ses crimes dans celui-ci. Telle était la situation au dehors, quand Madame Cornet, la matrone du dépôt de mendicité, nous avons déjà fait pénétrer le lecteur, vint s'installer dans sa petite chambre devant un bon feu et se mit à considérer avec complaisance une petite table ronde sur laquelle était posé un plateau garni de tous les objets nécessaires à la plus agréable collation que puisse faire une matrone. En effet, Madame Cornet était sur le point de se réconforter avec une tasse de thé. Elle regardait la table, puis le foyer où l'eau chantait doucement dans une petite bouilloire, et elle prenait de plus en plus un air satisfait. Elle en vint, en vérité, jusqu'à sourire à ce spectacle. « Vraiment, dit-elle en posant son coude sur la table, il n'est personne ici-bas qui n'ait à bénir la Providence. » Si on voulait seulement songer aux dons qu'elle nous fait, hélas !» Madame Cornet hocha la tête d'un air pensif, comme si elle déplorait l'aveuglement des pauvres qui méconnaissaient ses dons. Puis, introduisant une cuillère d'argent, qui lui appartenait en propre, dans une petite boîte à thé, elle continua ses préparatifs. « Ah, qu'il faut peu de choses pour trouver la sérénité de notre âme !» La bouilloire, étant fort petite et bientôt remplie, déborda, tandis que Madame Cornet se livrait à ses réflexions morales et quelques gouttes d'eau chaude tombèrent sur la main de la matrone. « Ah, peste soit de la bouilloire » dit-elle en la posant bien vite sur la cheminée. « Quelle sotte invention que ces bouilloires, qui ne contiennent qu'une ou deux tasses, à qui peuvent-elles servir? Sinon... à une pauvre créature, délaissée comme moi, hélas !» À ces mots, la matrone se laissa tomber dans son fauteuil, remit son coude sur la table et songea à son existence solitaire. La petite bouilloire, à une tasse, avait réveillé en elle le souvenir de feu M. Cornet, qu'elle avait enterré 25 ans auparavant, et elle tomba dans une profonde mélancolie. « Ah, je n'en aurai jamais d'autre, dit-elle d'un ton rechigné. Je n'en aurai jamais de semblable. » On ne saurait dire si l'exclamation de Madame Cornet s'adressait à son mari ou à sa bouilloire. Peut-être était-ce à cette dernière, car elle la regarda au même instant et la mit sur la table. Comme elle approchait la tasse de ses lèvres, on frappa doucement à la porte. « Entrez !» dit-elle avec humeur. « C'est encore quelque vieille femme qui meurt, je suppose. Elle meurt toujours quand je suis à table. « Entrez vite et fermez la porte, que le froid ne pénètre pas dans la chambre. Eh bien, qu'est-ce ?»« Rien, madame, rien, » répondit une voix d'homme. « Bonté divine !» dit la matrone d'une voix beaucoup plus douce. « Est-ce vous, monsieur Bumble ?» « À votre service, madame, » dit M. Bumble, qui était resté dehors à s'essuyer les pieds sur le paillasson et à secouer la neige qui couvrait son habit, mais qui maintenant faisait son entrée, tenant d'une main son tricorne et de l'autre un paquet. « Dois-je fermer la porte, madame ?» La dame hésita modestement à répondre, dans la crainte qu'il n'y eût quelque inconvenance à s'entretenir à huis clos avec M. Bumble. Celui-ci profita de cette hésitation et, comme il était gelé, il ferma la porte sans attendre davantage d'autorisation. « Quel affreux temps, monsieur Bumble, » dit la matrone. « Ah, affreux en vérité, madame, » répondit le bedeau. « C'est un temps anti-paroissial. Croiriez-vous, madame Cornet, que que nous avons distribué dans cette journée de bénédiction 25 pains de 4 livres et un fromage et demi. Eh bien, ces mendiants-là ne sont pas contents. La belle merveille, est-ce qu'ils ne sont jamais contents ? Dit la matrone en savourant son thé. Ah, c'est bien vrai, madame, reprit M. Bumble. Tenez, il y a un individu auquel, en considération de sa nombreuse famille, on a octroyé un pain de 4 livres et 1 livre de fromage, bon poids. Croyez-vous qu'il en soit reconnaissant ? Pas pour 2 liards. Savez-vous ce qu'il a fait, madame ? Il a demandé un peu de charbon, ne fût-ce, disait-il, que plein un mouchoir. Du charbon, mais pourquoi faire en vérité ? Il voulait donc faire griller son fromage pour venir ensuite en redemander. Oh, ces gueux d'indigents n'en font pas d'autres. Donnez-leur aujourd'hui du charbon plein un tablier, ils reviendront en demander autant 2 jours après. Oh, ils sont effrontés comme des singes. La matrone octroya son approbation à cette belle comparaison et le bedeau continua. On ne saurait croire jusqu'où va leur insolence. Pas plus tard qu'hier, un homme... Vous avez été mariée, madame, je puis donc entrer avec vous dans ces détails. Un homme à peine vêtu, madame Cornet baissa les yeux, de quelques haillons en lambeaux, se présente à la porte de notre surveillant, qui avait justement du monde à dîner, et dit qu'il faut qu'on lui donne des secours. Comme il refusait de s'en aller, que sa tenue scandalisait la compagnie, notre surveillant lui fit donner 1 livre de pommes de terre et 1 demi-panne de gruau. « Mon Dieu !» dit ce monstre d'ingratitude, « qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça ? Autant me donner des besicles !»« C'est bon, » dit notre surveillant en lui reprenant les provisions, « vous n'aurez rien du tout. » « Il me faudra donc mourir sur le pavé ?» dit le vagabond. « Oh, que non, vous n'en mourrez pas, » dit le surveillant. « Ah, c'est excellent !» interrompit la matrone. « C'était pour sûr Monsieur Granette. Et après ?»« Après, madame, reprit le bedeau, il est parti. Il est mort dans la rue. Ah, voilà un entêté !»« Oh, cela passe toute croyance !» observa la matrone avec dignité. « Mais ne vous semble-t-il pas, Monsieur Bumble, que les secours donnés hors du dépôt de mendicité n'ont aucun bon résultat ?» Vous êtes homme d'expérience et vous pouvez en juger. Ah, madame Cornet, dit le bedeau en souriant comme un homme qui a conscience de sa supériorité, les secours distribués hors du dépôt, s'ils sont donnés avec discernement, vous entendez, madame, avec discernement, sont la sauvegarde des paroisses. Le principe fondamental de l'assistance en dehors du dépôt, c'est de fournir aux pauvres justement ce dont ils n'ont que faire. Et à l'heure de guerre lasse, ils cessent leurs importunités. Ah, certes, s'écria madame Cornet, mais voilà une idée lumineuse. Oui, entre nous soit dit, c'est là le grand principe de la chose, reprit M. Bumble. C'est en vertu de ce principe qu'on vient en aide à des familles malades en leur faisant une distribution de fromage, comme le disent les impudents journalistes qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Ce principe, madame Cornet, est maintenant en vigueur dans le royaume. Cependant, ajouta-t-il en ouvrant le paquet qu'il tenait à la main, ce sont des secrets administratifs et sur lesquels on doit avoir bouche close, sauf entre fonctionnaires paroissiaux comme nous, par exemple. Voici le porto que l'administration destine à l'infirmerie. Il est d'une qualité excellente, naturelle, pur de tout mélange, en bouteille d'aujourd'hui, clair comme de l'eau de roche et sans aucun dépôt. Après avoir approché une des 2 bouteilles de la lumière et l'avoir agitée pour montrer la bonne qualité du vin, M. Bumble les porta toutes les 2 sur la commode, plia le mouchoir qui les enveloppait, le mit dans sa poche et prit son chapeau comme pour s'en aller. « Vous allez avoir bien froid, M. Bumble, » dit la matrone. « Ah, il fait un vent à vous couper la figure !» répondit celui-ci en relevant le collet de son habit. Madame Cornet regarda la petite bouilloire, puis le bedeau qui se dirigeait vers la porte, et comme celui-ci toussait et qu'il allait lui souhaiter une bonne nuit, Elle lui demanda timidement s'il voulait accepter une tasse de thé. Aussitôt, M. Bumble rabattit son collet, posa son chapeau et sa canne sur une chaise et approcha une autre chaise de la table. Il s'assit lentement, tout en regardant la dame, qui baissa les yeux. M. Bumble toussa de nouveau et sourit légèrement. Mme Cornet se leva pour prendre dans l'armoire une tasse et une soucoupe. Comme elle se rasseyait, ses yeux rencontrèrent encore ceux du galant Bedeau. Elle rougit et se mit à préparer le thé. M. Bumble toussa encore et plus fort qu'auparavant. « L'aimez-vous sucré, M. Bumble ?» demanda la matrone en prenant le sucrier. « Oui, madame, très sucré !» répondit M. Bumble, les yeux toujours braqués sur Mme Cornet. Oh, si jamais Bedeau eut l'air tendre, ce fut M. Bumble en ce moment. On versa le thé. M. Bumble mit un mouchoir sur ses genoux pour que les miettes de pain n'altérassent pas l'éclat de sa culotte courte, et se mit à boire et à manger. Parfois, au milieu de cet exercice, il poussait un profond soupir qui ne lui faisait pas perdre un coup de dent et qui semblait au contraire destiné à lui faciliter les fonctions digestives. « Vous avez une chatte, madame, à ce que je vois, » dit M. Bumble, en apercevant une grosse chatte entourée de ses petits qui se chauffaient devant le feu. « Oh, et des petits aussi, si je ne me trompe. » « Oh, je les aime tant, Monsieur Bumble, » répondit la matrone. « Vous ne pouvez vous en faire une idée. Ils sont si heureux, si agiles, si divertissants. Ah, c'est une vraie société pour moi. »« Ce sont de charmants animaux, » dit Monsieur Bumble d'un ton approbateur, « et qui s'attachent à la maison. »« Oh oui, » fit Madame Cornet avec enthousiasme. « Ils aiment leur chez-eux. Ah, que c'est un plaisir. » « Madame Cornet, » dit lentement le Bedeau en battant la mesure avec sa cuillère, « j'ose dire, madame, que si un chat ou tout autre animal qui pourrait vivre avec vous ne s'attachait pas à la maison, il faudrait nécessairement que ce fût un âne. »« Oh, oh, monsieur Bumble, » fit la matrone, « il est inutile de déguiser la vérité, » reprit monsieur Bumble en balançant sa cuillère d'un air à la fois digne et tendre, qui donnait plus de poids à ses paroles. « Une bête qui se montrerait si ingrate, je la noierais de ma main avec plaisir. Oh, alors vous êtes un cruel !» dit vivement la matrone en allongeant le bras pour prendre la tasse du Bedeau. « Il faut que vous ayez le cœur bien dur. » Ah, le cœur dur, madame, dit monsieur Bumble. Ah, le cœur dur. Il tendit sa tasse à madame Cornet et saisit le moment où elle la prenait pour lui serrer le petit doigt, puis posant la main sur son gilet galonné, il poussa un profond soupir et éloigna, oh, si peu que rien, sa chaise du feu. La table était ronde et comme madame Cornet et monsieur Bumble étaient assis devant le feu, vis-à-vis de l'un de l'autre et assez rapprochés, on comprend que M. Bumble, en s'éloignant de la cheminée, ajoutait à la distance qui le séparait de Mme Cornet. Cette façon d'agir excitera sans doute l'admiration du lecteur, qui verra un acte d'héroïsme de la part de M. Bumble. L'heure, le lieu, l'occasion auraient pu l'engager à compter fleurette, bien que les propos légers qui conviennent dans la bouche d'un étourdi semblent fort au-dessous de la dignité d'un magistrat, d'un membre du Parlement, d'un ministre d'État, d'un lord maire, et à plus fort raison indigne de la gravité d'un Bedeau qui, nul ne l'ignore, doit être de tous les fonctionnaires le plus sévère et le plus inflexible. Quelles que fussent les intentions de M. Bumble, et sans doute elles étaient excellentes, le malheur voulut que la table fût ronde, comme nous l'avons observé. Dès lors, M. Bumble, en éloignant peu à peu sa chaise, diminua insensiblement la distance qui le séparait de la matrone et, à force de faire voyager sa chaise autour de la table, il arriva à la placer contre celle de Mme Cornet. Les deux chaises finirent par se toucher. Et là, M. Bumble s'arrêta. Dans cette situation, si la matrone reculait sa chaise vers la droite, elle se mettait dans la cheminée. Et si elle faisait un mouvement vers la gauche, elle tombait dans les bras de M. Bumble. Cette alternative n'échappait point à sa perspicacité, et en femme bien avisée, elle ne bougea pas et offrit à M. Bumble une seconde tasse de thé. « Le cœur dur !» répéta le bedeau en regardant la matrone. « Et vous, Madame Cornet, avez-vous le cœur dur ?»« Dieu ! » s'écria-t-elle. « Quelle singulière question de la part d'un célibataire ! Qu'est-ce que cela peut vous faire, Monsieur Bumble ?» Celui-ci, sans répondre, vida sa tasse, avala une rôtie, s'essuya les lèvres et embrassa bravement la matrone. « Monsieur Bumble !» dit tout bas la discrète dame, car l'effroi lui ôtait presque la parole. « Monsieur Bumble ! Ah, je vais crier !» Celui-ci ne répondit pas et, avec lenteur et dignité, passa son bras autour de la taille de la matrone. Comme la dame avait manifesté l'intention de crier, elle allait sans doute à cette nouvelle hardiesse exécuter sa menace quand on frappa vivement à la porte. En un clin d'œil, M. Bumble s'élança agilement vers les bouteilles et se mit à les épousseter activement, tandis que la matrone demandait sèchement « Qui est là ?» Il est à remarquer, c'est un exemple curieux de l'efficacité d'une surprise soudaine pour atténuer les effets d'une grande frayeur, que sa voix avait repris tout d'un coup sa rudesse habituelle. « Madame !» dit une vieille mendiante décharnée en montant la tête à sa porte. « La vieille Sally est en train de s'en aller. »« Eh bien, que voulez-vous que j'y fasse ?» demanda la matrone avec humeur. « Est-ce que je peux l'empêcher de mourir ?»« Non, madame, » répondit la vieille, « nul ne le peut. Il n'y a plus de remède. J'ai vu mourir bien du monde, les enfants et les hommes. » Dans la force de l'âge, je sais bien quand la mort arrive. Mais elle est agitée. Quand les accès lui laissent un moment de repos, elle en a guère. Car son agonie est très pénible. Elle dit qu'elle a quelque chose à vous dire, qu'il faut absolument que vous sachiez. Elle ne mourra pas tranquille si elle ne vous voit pas, madame. La digne Madame Cornet marmotta mille invectives contre les vieilles femmes qui ne pourraient seulement pas mourir sans importuner leur supérieur. De propos délibérés, elle jeta sur ses épaules un grand châle dans lequel elle s'enveloppa soigneusement, pria M. Bumble d'attendre son retour, et enjoignant à la vieille messagère de marcher vite et de ne pas la tenir toute la nuit sur pied dans les escaliers, elle sortit de très mauvaise grâce. Il se dirigea en grondant vers la chambre de la mourante. Resté seul, M. Bumble tint une étrange conduite. Il ouvrit l'armoire, compta les cuillères à thé, soupesa la pince à sucre, examina attentivement une grande cuillère d'argent pour s'assurer de la bonté du métal. Après avoir satisfait sa curiosité sur tous ces points, il mit son tricorne sans devant derrière et fit plusieurs fois le tour de la table en dansant gravement sur la pointe des pieds. Après s'être livré à ce bizarre exercice, il ôta son tricorne et s'étendit devant le feu en tournant le dos à la cheminée, de l'air d'un homme qui serait occupé à dresser exactement l'inventaire du mobilier.